ist der erste Sonntag, seitdem wir wieder zurück sind in Nigeria. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche depuis qu'on est rentré du Nigeria. At this time last week, we are still in Lagos. What is the time? Diese Zeit waren wir immer noch in Lagos. À 7h, un mois passé, donc quelques semaines passées, on était à Lagos. Amen. We are already preparing our preparing. Amen. Amen. Ah, praise the Lord. Hallelujah. We thank Jesus for his victory. Wir danken Jesus für seinen Sieg. Remercie l'Éternel pour sa victoire. Amen. Amen. I think this time we're leading some people to Christ. Yeah, those the four people that became saved. We are leading them to Christ. Yeah. Praise the Lord. Amen. It was after the prayer, we just took everything and we went to airport. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Anywhere we are, we belong to Christ. Egal, wir sind, wir gehören zu Christus. Partout où on est, on appartient à Jésus-Christ. And we also thank him for this Easter period. Wir danken ihn auch für diese Osterzeit. On lui remercie aussi pour cette période de Pâques. Easter for us, you know, this period for us is a reminder. Diese Zeit ist eine Erinnerung. Parce que cette période ici, c'était un rappel pour nous. Of his death. Über seinen Tod. Un rappel de sa mort. Of his blood. Sein Blut. Un rappel de son sang. And of his resurrection. Und seine Auferstehung. Un rappel de sa résurrection. These three things are very important. Diese drei Sachen sind sehr wichtig. Ces trois choses sont vraiment très importantes. And we have to know the magnitude of all. Und wir müssen die Reichweite, die Größe dieser Dinge kennen. Et on doit reconnaître la grandeur de toutes ces trois choses. They are very, very great. Sie sind sehr groß. Ils sont vraiment très grands. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why our today's message is our victory in Christ's death, blood, and resurrection. Deswegen in der heutigen Predigt geht es um den Sieg seines Todes und seiner Auferstehung. Et c'est pour cela que dans notre message il s'agit de la victoire qui se trouve devant, dedans, dans l'intérieur de sa résurrection. Amen. Amen. Today we talk about his blood. Heute sprechen wir über sein Blut. Mais aujourd'hui on va parler de son sang. And tomorrow we talk about his resurrection. Und morgen sprechen wir über seine Auferstehung. Et demain on va parler de sa résurrection. Praise the Lord. Hallelujah. You know, without blood, there's nothing like spiritual world. Ohne Blut gibt es keine geistliche Welt. Sans le sang, il n'y a pas un monde spirituel. To be able to go into the spiritual world, you need blood. Man braucht Blut, um in die geistliche Welt zu gehen. Pour être capable d'entrer dans le monde, avoir accès dans le monde spirituel, tu as besoin du sang. You have to also know that the spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische. Et tu dois aussi savoir que le monde spirituel contrôle le monde physique. Amen. Amen. You know, the Benis, they always say, Asoma bohene avai bohene. That means until the night, until the spiritual world judge, the outside can do nothing. Mm-hmm. Erst wenn die geistliche Welt richtet, kann wird das Äußere folgen. Das Äußere ist davon ist abhängig von dem Urteil der geistlichen Welt. En Bénin, par exemple, il dit par exemple que c'est la décision qui va être prise dans l'esprit, c'est ça qui c'est après ça qu'il y a une manifestation. Donc, si le monde spirituel n'a pas encore jugé, là, il n'y aura pas encore de manifestation. Whatever you see happening here, they have already happened in the spiritual world. Alles, was du hier physisch siehst, ist schon in der geistlichen Welt passiert, es kommt von da. Toutes les manifestations que tu vois dans le monde physique, ça a déjà été fait, manifesté dans le monde spirituel. Just like... You never until you think of something, you never do it. Genauso erst wenn du über etwas nachdenkst, dann tust du es auch. Tout comme tu dois d'abord penser à quelque chose avant de le faire physiquement. Before you do anything, you thought of it. Before du etwas can be a second, can be a minute, it can be hours, it can be days, but until it passed through your mind, you cannot go there. Bevor du etwas tust, denkst du erst mal nach. Wenn es nur eine Sekunde ist oder wenn es eine Woche ist, weil du etwas planst, bevor du etwas tust, vor einer Handlung ist immer ein Denkmoment. Donc, avant que tu puisses faire quelconque, n'importe qu'est-ce que tu veux faire, tu dois toujours penser à ça, même si c'est seulement une seconde, même si c'était une journée avant. Tu dois d'abord y penser avant de le faire. Everything here, they are coming from the spiritual world. Alles hier komt van de geestelijke wereld. Tout ce qui se trouve ici, ça vient du monde spirituel. You see that coming from Christ or it's coming from Satan. Entweder kommt es von Christus oder es kommt von Satan. Ça vient ou du Christ ou du diable. No one is free here on earth. Niemand hier auf Erden ist frei. Il y a personne qui est libre ici sur terre. The spiritual world control everything here. Denn die geistliche Welt kontrolliert alles, selbst die Menschen. Parce que le monde spirituel contrôle tout, mais quand ça contrôle même les êtres humains. And this spiritual world that controls the physical world, there are only two, Christ and Satan. Und diese geistliche Welt, die physische Welt kontrolliert, ist entweder von Satan oder von Christus. Es sind zwei. Et le monde spirituel qui contrôle le monde physique, et il y a seulement deux mondes, c'est ou le royaume des cieux ou le monde du diable. Any decision you are taking, if it is not coming from Christ, definitely it's coming from Satan. Jede Entscheidung, die du triffst, wenn es nicht von Christus kommt, kommt sie von Satan. Es gibt keine dritte neutrale Option. Chaque décision que tu prends, ça vient ou du Christ ou du diable directement. Donc il n'y a rien au milieu. Il n'y a que seulement ces deux puissances sur terre. Whatever thought that comes into you, is it that coming from Christ or from Satan? Jeder Gedanke, der von dir kommt, entweder kommt er von Satan oder von Christus. Donc chaque pensée que tu vas avoir, ou ça vient du diable ou du Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And to be able to function in this spiritual world, to be able to function, you need the blood. Und in der Lage zu sein, zu funktionieren in der geistlichen Welt, brauchst du das Blut. Pour être capable à fonctionner dans le monde spirituel, tu as besoin du sang. In Christ's world, you need the Christ's blood, which is God's blood. In der Welt von Christus brauchst du das Blut von Christus. Et dans le monde de Jésus-Christ, tu as besoin de du sang de Jésus-Christ. In satanic world, you need the blood of animals or the blood of people. Und in der satanischen geistlichen Welt brauchst du das Blut von Menschen oder von Tieren. Et dans le monde du diable, dans le monde spirituel du diable, tu as toujours besoin du sang de l'être humain ou du sang d'un animal. In Old Testament, the law was using the blood of animals. He never used human's blood. Im Alten Testament hat der Herr das Blut von Tieren benutzt, niemals das Blut von Menschen. Dans l'Ancien Testament, Jésus, l'Éternel, Dieu a toujours utilisé le sang des animaux, il n'a jamais utilisé le sang de l'être humain. And in New Testament, he now uses his own blood. Und im Neuen Testament nutzt er sein eigenes Blut. Et dans le Nouveau Testament, il a utilisé son propre sang. Are you getting it? You know, satanic world, they use animals' blood. And the highest they can go is human's blood. In der satanischen Welt nutzen sie Tierblut, aber wenn das Opfer, das höchste Opfer, was sie ihr Satan bieten können, ist menschliches Blut. Et dans le monde satanique du diable, eux ils utilisent toujours le sang de l'être de l'animal et le sang supérieur qu'ils peuvent utiliser c'est le sang de l'être humain. Human's blood is greater than animal's blood. Donc, le sang de l'être humain, c'est même plus grand que le sang de l'être de l'animal. And God's blood is greater than any human's blood. Und Gottes Blut ist größer als jedes menschliches Blut. Et le sang de Dieu, c'est plus grand que le sang de chaque être humain ici sur terre. You can see that in the spiritual world, we are greater. Das heißt, in der geistlichen Welt sind wir größer. We are greater than Satan and his angels. Größer als Satan und seine Et tu peux voir que dans le monde spirituel, nous sommes plus grands que le diable et tous ses anges. Because the highest blood for them is human's blood. Parce que le plus haut pour eux est un menschliches blood. Parce que le sang supérieur pour le diable, c'est le sang de l'être humain. Our blood is God's blood. Mais notre sang, c'est le sang de Dieu. Praise the Lord. Amen. The spiritual world sees the blood. A lot. Das geistliche, die geistliche Welt sieht das Blut, achtet auf das Blut sehr donc, stark. Donc, le monde spirituel valorise vraiment beaucoup le sang de l'être humain, le sang. They always see the blood. Sie sehen immer das Blut. Donc, eux, ils voient toujours le sang. Amen. In Exodus 12, please go to Exodus 12, please. Praise the Lord. Exodus 12. On va lire Exode 12. Exodus 12, verse 13. 13. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, praise the Lord. Amen. Amen. I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. The spiritual world always see the blood. Le monde spirituel voit toujours le sang. And the spiritual world always hear the blood. Et le monde spirituel écoute, entend toujours le sang. You know, the blood have its own voice. Das Blut hat seine eigene Stimme. Donc on peut voir que le sang a sa propre voix. Is somebody getting it? Amen. Because there is always life in the blood. Parce que dans le sang il y a la vie. In Genesis 4, let's go to Genesis 4. On va lire Genèse 4. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Genesis 4. You read the story of Cain and Abel. Because of time, we go to verse 10. Genesis. On va lire Genèse 4. Praise the Lord. Alleluia. Genesis 4, verse. Let's go to verse 10. Genèse 4, verset 10. Or let's read from 8 to 10, please. 8 to 10. And Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, where is Abel, your brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Verse 10. And he said, what hast thou done? The voice of your brother's blood cried unto me from the ground. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because there is life. And the blood. Weil Leben im Blut ist, deswegen hört man das Blut. Dieu dit à verset 10 que a fait tu? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Pourquoi le sang crie? Parce qu'il y a de la vie dans le sang. Amen. Amen. You know, if you go to Leviticus 17, let's go to Leviticus 17. On va lire Lévitique 17. Leviticus 17. Praise the Lord. Levitique 17. Praise the Lord. Verse 11, please, because of time. Donc 3 Moïse, donc Levitique 17, verset 11. He said, for the life of the flesh is in the blood. Praise the Lord. Amen. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Praise the Lord. Hallelujah. It means without the blood, there's no payment. Das heißt, ohne das Blut gibt es keine Bezahlung. Ici, nous dit que il a dit que c'est le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel de rite. Donc, sans le sang, il n'y a pas de paiement. Amen. Praise the Lord. Also, the spiritual world, they see the blood. They use the blood. Donc, le monde spirituel voit, valorise le sang. Amen. Utilise aussi le sang. The Bible said in 1 Corinthians 6 verse 20, it said we are bought with a price. It's talking about the blood. In 1 Corinthians 6 verse 20 steht, dass wir erkauft worden sind mit seinem Blut. Amen. Donc la Bible nous dit aussi qu'on a été racheté à travers son sang. So also is 1 Corinthians 7 verse 23. They are both talking about the blood. We are bought with a price. Et ça nous dit ici en Corinthiens, quand on le lit, on voit aussi qu'on a été racheté avec le sang. Donc on voit la le valeur du sang. You know, once you are paying for something here on earth, you pay with money. That in the spiritual world, you pay with blood. Musst du mit Geld zahlen. Da ist Geld die Währung, aber in der geistlichen Welt ist Blut die Währung. Donc je vois que quand on paye quelque chose dans le monde dans le monde ici, c'est de l'argent. Mais quand tu pars dans le monde spirituel, tu payes avec le sang. Even in you know in Genesis 3, the Lord has to make a temporary payment for what Adam and Eve did. He made a coat of skin and clothed them. He killed animal and took the skin to cover them. That is Genesis 3, verse 21. Selbst in 1. Mose 3, 21 hat auch der Herr dort sozusagen bezahlt, indem er ein Tier geschlachtet hat und das Fell dieses Tieres genommen hat, um die Nacktheit von Adam und Eva zu bedecken, um ihr Vergehen sozusagen zu verdecken. Et même tu vois aussi même en Genèse quand Adam et Eve ont péché, Jésus-Christ, donc Dieu, il a même tuer un animal et puis là pour prendre aussi même ses vêtements ou bien le oui les vêtements ou bien la donc le matériel de l'animal pour cacher pour couvrir Adam et Ève. Donc on voit que même Dieu aussi il a tué un animal pour couvrir Adam et Ève en fait. Amen. Easter should be a reminder of Christ's death, his blood and his resurrection. Ostern sollte eine Erinnerung an den Tod, das Blut und die Auferstehung von Jesus Christus sein. Donc Pâques, la saison de Pâques, ça doit être un rappel de la mort ou bien la résurrection de Jésus-Christ à travers son sang. Amen. You know, here in Leviticus 17, we are still here. Amen. The Lord said, there is life in common animal's blood. Common animal's blood. Just animal's blood. In 3. Mose lesen wir, dass selbst im tierischen Blut, was so üblich ist, dass selbst da Leben drin ist. Donc on voit aussi que même à la Bible, on lit toujours que même dans le sang de l'être humain, il y a aussi le sang, il y a aussi la vie dedans. Praise the Lord. Amen. Amen. Look at verse 13. Verse 13. He said, and whatsoever man there be of the children of Israel or of the strangers that sojourn among you, which hurted and catcheth any beast or fowl that he may eat, he shall even pour out the blood thereof and cover it with dust. Verse 14. For it is the life of all flesh. The blood of it is of the life thereof. Therefore, I said unto the children of Israel, you shall eat the blood of no manner of flesh, for the life of all flesh is in the blood thereof. Whosoever eateth it shall be cut off. Ooh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, here he said, yes, you know, he said, life is in the blood of animals. Donc ici on voit que la vie c'est dans le sang de l'être d'un animal. How much more the blood of human? Et si la vie est dans le sang de l'être d'un animal, à plus forte raison ça sera-t-elle dans le sang de l'être humain? And how much more the blood of God? Et à plus forte raison sera-t-elle dans le sang de Dieu? Let's go to Hebrews 12, verse 24. Praise the Lord. Yes, Francis. Hebrew 12, please. Hébreu 12. C'est unto Jesus, the mediator of the new covenant, unto the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. He said the blood that is greater than the blood of man. Are you getting it? Yeah. Donc, Hébreu 12, 24 nous dit que vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Christ's blood. He said the blood of Christ is greater than the blood of man. Ça veut nous dire que il veut nous dire que le sang de Jésus-Christ est mieux que le sang d'Abel, d'un être humain. And that's why no man can die for you to be saved. Deswegen kann kein Mensch für dich sterben, um Errettung dir zu schenken. Et c'est la raison laquelle il y a personne qui peut mourir pour te sauver, pour sauver ta vie, te donner. That's why you cannot save yourself. Because your blood is not enough. Et c'est pour cela que tu peux même pas te sauver toi-même parce que ton sang n'est jamais suffisant. You need a savior. Du brauchst einen Retter. Tu as besoin d'un sauveur. Praise the Lord. Alléluia. And you must know the difference between the old and the new. Und du musst den Unterschied kennen zwischen dem alten und neuen. Et tu dois connaître la différence entre l'ancien et le nouveau. Hebrew 9. Hebrew 9. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hebrew 9 help us to know the difference between the blood of animal, the old blood and the new blood. Zwischen dem alten Blut und dem neuen Blut. Hébreu 9 nous aide à comprendre la différence entre l'ancien sang et le nouveau sang. Please, let it be your homework, please. Amen. Ça doit être votre défi. From 1 to 22. Amen. Hébreu 9, verset 1 à 22. Praise the Lord. Alléluia. Because of time, we go to verse 11. Mais on va partir directement à Hébreu 12, verset 11. Amen. We start from verse 11. We say, But Christ, being come and high priest of good things to come, but a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats or calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Praise the Lord. Hallelujah. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the clean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Praise the Lord. Hallelujah. And for this case, verse 15, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So you can see it here. Amen. Please read it on your own. Amen. Praise the Lord. Amen. Without the blood. Ohne das Blut. Sans le sang. Without the blood of Christ, sans le sang de Christ, there is no forgiveness of sins. Keine Vergebung der Sünden. Il n'y a pas de du pardon du sang. Amen. Amen. It must depend on this blood. Wir müssen uns auf sein Blut verlassen. Revelation 1, verse 5. Offenbarung 1, Vers 5. Revelation 12. 1, verse 5. 1, verset 5, pardon, Apocalypse 1, verset 5. Offenbarung 1, verset 5. Are we there, please? Mm-hmm. It says, from Christ Jesus, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Praise the Lord. Hallelujah. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de la foi, le premier né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Praise the Lord. Hallelujah. Without his blood, there's no washing of our sins. Ohne das Blut gibt es keine Reinigung unserer Sünden. Et sans le sang, on ne peut pas purifier nos péchés. And that's why without his blood, the Holy Spirit cannot live in us. Ohne and continue to live in us. Kann der Heilige Geist nicht in uns leben und in uns weiterhin leben. Et c'est pour cela, sans son sang, le Saint-Esprit ne peut pas vivre en nous et continuer à vivre à travers nous. Amen. Amen. The Holy Spirit needs this blood, the blood of Christ, to be able to live in us. Der Heilige Geist braucht das Blut von Jesus Christus, um in uns zu leben. Le Saint-Esprit a besoin de sang du Jésus-Christ pour vivre en nous et de travailler à travers nous. If you look at all the prophets in the Old Testament. Wenn du dir alle Propheten im Alten Testament anschaust. Si tu regardes tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Then the blood, you know, have not been shed. Damals wurde das Blut von Jesus Christus noch nicht vergossen für die Menschheit. Now, le sang de Jésus Christ n'était pas encore coulé. And that's why the Holy Ghost could not live and dwell in man. Deswegen konnte der He Heilige always Geist come and go. In Menschen nicht wohnen. Der Heilige Geist musste immer kommen und wieder gehen. C'était la raison laquelle pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans l'être humain continuellement. C'est pour cela le Saint-Esprit il venait, il partait toujours. But now we thank the Lord for his death. Aber jetzt danken wir dem Herrn für seinen Tod. Mais maintenant on remercie l'Éternel pour sa mort. We thank him for his blood. Wir danken ihm für sein Blut. On le remercie pour son And we also thank him for his resurrection. Und wir danken ihm auch für seine Auferstehung. On le remercie pour sa résurrection. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In verse 14 of Hebrew 9, it says Christ's blood purges our conscience. Hebräer 9, Vers 14, da lesen wir, dass das Blut von Jesus Christus unser Gewissen reinigt. Hébreux 9, verset 14, ça nous dit, nous fait voir que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Amen. Amen. And we have to know how. Wir müssen wissen, wie. On doit savoir comment. Remember always their torment. Erinnere dich immer wieder an die Bezahlung. Rappelle-toi toujours du paiement. Amen. Amen. The atonement in Romans 5, verse 11. In Romans 5, Vers 11, die Bezahlung. Donc le paiement dans le Romain 5, verset 11. Praise the Lord. Hallelujah. It will help you to purge your conscience. Es wird dir helfen, dein Gewissen zu reinigen. Ça va t'aider à purifier ta conscience. In verse 11, it says, not only so, but we also joy in God. Through our Lord Jesus Christ, who by whom we have now received the atonement. Praise the Lord. Römer 5, Vers 11. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Donc Romains 5, verset 11, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Praise the Lord. Hallelujah. No more sacrifice. Keine Opfergabe. Donc on n'a même plus besoin de faire beaucoup de sacrifices. No more killing of animals. Kein Töten mehr von Tieren. On ne doit plus tuer les animaux. Which is sharing of blood. Welches das Blutvergießen sozusagen symbolisiert. Qui symbolise la perte du sang ou bien le Amen. Amen. Sacrifice du sang. No more burning of candles or incense. Keine Kerzen mehr, die angezündet werden oder irgendwelche Räucherzeugs, was Räucherstäbchen, was verteilt wird, um Gott irgendein Opfer darzubieten. On ne doit plus allumer des bougies ou faire des histoires pareilles pour plaire ou bien pour donner à l'Éternel des sacrifices. Amen. Amen. No more trying to please God. Kein mehr krampfhaftes Versuchen, dem Herrn zu gefallen. On ne doit plus essayer de plaire à l'Éternel. His blood did a very good job. Sein Blut hat Amen. Einen sehr guten Job gemacht. Parce que son sang a déjà fait un bon travail. Praise the Lord. Hallelujah. We have blood, God's blood in our veins. Wir haben das Blut von Gott in unseren Adern. On a le sang de Dieu dans nos veines. If you belong to Christ, you no longer have the natural blood. Wenn du zu Christus gehörst, hast du nicht mehr das natürliche Blut. Et si tu appartiens au Christ, tu n'as plus le sang naturel. Because the Lord cleaned your blood. Weil der Herr hat dein Blut gereinigt mit seinem eigenen Blut. Parce que l'Éternel, il a déjà pu purifier ton sang avec son propre sang. Joël 3, verse 21. Joël 3. On va lire Joël 3. 21. Praise the Lord. Alléluia. Are we there, please? Joël 3, before Amos. 3, 21. Dann ist das in der deutschen auf 4. Yeah. So, okay. Dann 4. 21. That's the last verse. The last one? Yeah, the last verse. He said, for I will clean your blood. Praise the Lord. Ich werde ihr Blut reinigen. Auf Deutsch ist es Joel 4, 21. Joel 3, 21. Ainsi, je justifierai leur sang. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. For I will clean their blood that I have not clean. For the Lord dwelleth in Zion. Amen. Mm-hmm. Your blood is to be cleaned by the blood of Christ. Durch das Blut von Christus. Donc ton sang doit être purifié à travers le sang du Christ. Amen. Mm-hmm. And that's why once you come to him, you don't have anything natural, but they are supernatural. Amen. Deswegen, wenn du zu ihm kommst, hast du nichts Natürliches mehr, alles ist übernatürlich. In Joel 4, 21 lesen wir nämlich, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Et dès qu'on appartient au Christ, on a un sens surnaturel et pas naturel. Ainsi, parce qu'il dit à verset 21, si j'y souffrais eux dans le sang, a été répondu et que je n'avais pas justifié. L'Éternel habitera en Sion. And that's why God's children, you know, if you have any sicknesses and disease that you are born with, that is no longer your portion. Because the blood of Christ cleans the natural blood. Amen. You only have the supernatural blood Amen. With you now. The blood that is now perfect, that is now clean. Amen. Amen. Wenn wir irgendwelche chronischen Krankheiten haben, mit denen wir geboren worden sind, durch das Blut von Jesus Christus, was unser altes Blut rausgereinigt hat, sind wir jetzt geheilt davon, sind wir frei davon. Amen. Et ça signifie que même si tu avais des maladies dans l'ancienne vie et tu es né avec des maladies, dès que tu appartiens à Jésus-Christ, à travers son sang, il a purifié aussi même ton propre sang et tu n'as plus ces maladies là. We have a clean blood. Wir haben reines Blut. On a un sang vraiment qui est pur. Amen. Amen. We don't have a polluted blood. Wir haben kein unreines Blut mehr in uns. On n'a pas un sang qui est pollué. Amen. Amen. We no longer have the natural blood. Wir haben nicht mehr das natürliche Blut in uns. On n'a même plus le sang naturel en nous. Amen. Amen. The Lord cleaned our blood with His own blood. Der Herr hat unser Blut gereinigt mit seinem eigenen Blut. Amen. L'Éternel a purifié notre sang avec son propre sang. And that's why our follow father can never follow your son if that son belongs to Christ. Amen. Deswegen, das was dem was dem Vater folgt, kann dem Sohn nicht weitergehen, wenn dieser Sohn wirklich zu Christus Jesus gehört. Also die Krankheit, der Fluch und all diese teuflische kann nicht weitervererbt werden, wenn Christus, wenn das Blut davor steht. Et c'est la raison laquelle c'est que les ancêtres ou bien tes parents ont été ça a été donné des années à des années, ça ne peut pas venir chez toi vers toi dès que tu appartiens au Christ en fait. You know, these are not automatic. Und all das ist nicht automatisch. Mais tout ça ce n'est pas automatique. You must know. Du musst das wissen. C'est à toi de le savoir. If you don't know, it does not belong to you. Wenn du diese Erkenntnis nicht hast, dann gehört dir diese Wahrheit auch nicht. Si tu connais pas tout ça, là, tous ces vérités ne t'appartiennent pas. You might be born again, you might be saved, but you must know that the blood that runs through your veins is no longer the natural blood. Du bist vielleicht wiedergeboren, du bist vielleicht errettet, aber du musst wissen, dass das Blut, was jetzt durch deine Adern fließt, nicht mehr das natürliche Blut ist, sondern das Blut von Jesus Christus. Tu peux être né de nouveau, mais tu dois savoir que le sang qui est en toi n'est plus le sang naturel, mais c'est le sang de Jésus-Christ, et c'est comme ça que ça aura des effets dans toi. And that's why in heaven there is no sickle cell. All this blood, you know, all these different things that they talk about. Because the blood of Christ, if he can forgive, he can clean sin, he can clean anything. Das Blut von Jesus Christus, wenn es die Sünde gereinigt hat, dann kann es auch jegliche andere Krankheit reinigen. Et c'est pour cela que dans le royaume des cieux, il n'y a pas des anémies ou bien des maladies de sang, parce que dans le royaume de Christ, c'est seulement son sang qui est valable. Et dès que tu lui appartiens, il a déjà tout purifié en toi. It is not automatic. Amen. Mais savez que c'est pas automatique. It is based on knowledge. Es basiert auf Erkenntnis. Tout ça c'est basé à travers. It is based on relationship. Es basiert auf Beziehung. C'est basé sur la relation. Knowledge is very important in the kingdom of heaven. Erkenntnis ist sehr wichtig im Königreich von Christus Jesus. Mm-hmm. Donc connaître la connaissance est vraiment important dans le royaume des cieux. God never blamed destruction on Satan. Gott macht den Teufel nicht verantwortlich für die Zerstörung. Donc l'Éternel n'a jamais dit que c'est le diable qui est responsable de la destruction. Because Satan, for God's children, Satan has been defeated. Denn if you go to Colossians 2, there are many places. Wurde der Satan jetzt schon besiegt? Parce que pour les enfants de Dieu, le diable a déjà été vaincu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said he empties Satan. Er hat den Satan sozusagen. Go there, Colossians 2. Go and vollkommen ausgeraubt. Satan, he emptied Satan. Er hat ihn sozusagen ausgeraubt. Donc lui, il a vidé tout ce qui venait du diable, ce qui est de lui au du diable. On va lire Colossians. Colossians 2, please. Colossians. Vers 15. Kolosser 2, Vers 15. Amen. Amen. And having spoiled principalities, he spoiled them. You know how to spoil something. You empty, you don't make it naked. You remove everything. Even the battered, you know what is battered, the ultra hose. The Sokoto, you remove everything. Because the same time, we said it's spoil. Spoil to spoil means you just make that person empty. Yeah. You take out that nothing. There's just nothing. Mm-hmm. If Satan is already spoiled, then Satan is not the problem. Amen. Er hat den Satan sozusagen komplett ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans, wie man so sagt. Und er war total leer, nur noch eine leere Hülle, nachdem Jesus fertig war mit ihm. Und wenn er sozusagen ausgehöhlt worden ist, wenn er nicht mehr das Problem ist, was ist dann das Problem? Donc Colossiens 2:15, ça nous fait voir que l'Éternel, il a déjà désarmé le diable, il a enlevé tous les armes, toutes les choses qui lui appartenaient, il a enlevé du diable. Et là, on n'a même plus, si on le sait, on n'a pas besoin de se préoccuper en fait. He did not spoil Satan. He said in secret. He spoiled him openly. Mm. Und er hat das nicht gemacht. Open nakedness. Mm. You know, Satan became naked openly. Mm. Not in secret. Look at it. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Genau. Und Jesus hat den Satan sozusagen öffentlich entwaffnet. Ne? Wir lesen hier in Kolosser 2, Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalt entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Amen. Amen. Donc ici, on voit que 15 ans, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans le cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Amen. And that's why the Lord said in Hosea 4 verse 6, he said, my people perish for lack of knowledge. Deswegen sagte Herr in Hosea 4 verse 12, dass mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, weil der Satan da ist, und aus Mangel von Erkenntnis. Et c'est pour cela il nous dit à la Bible aussi que mon peuple périt par manque de connaissance, pas parce que le diable est puissant, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Amen. Amen. Please understand the knowledge here. What the Lord called knowledge here. It's not the knowledge of this world. Donc connaissez, sachez qu'est-ce que ça signifie la connaissance dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas de la connaissance selon ce monde ici. What man and religion call knowledge. Was der Mensch und Religion Erkenntnis nennt. C'est que l'être c'est que pas ce que l'être humain et la religion appellent connaissance. He's talking about what Christ called knowledge. Er redet über das, was Christus know Christ. Christus kennt. Ici, quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissance, il parle, il veut dire ce que Jésus-Christ appelle connaissance. Romains 16. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So know is very important in the kingdom of heaven. Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig au Königreich. On va lire Romains 16. On va voir que la connaissance est vraiment très importante dans le royaume des cieux. Amen. You know, in the natural world, they said, what you don't know will not kill you. In Nigeria, they say it. I don't know if they say it yet. What you don't know is a big lie once it comes to the kingdom of heaven. What you don't know is will destroy you. Because Satan loves darkness. Yes. He's the prince of darkness. Yeah. He's the prince of I don't know. In der natürlichen Welt sagt man oft, dass was du nicht weißt, macht dich sozusagen nicht heiß. Es wird dich nicht provozieren oder dir keinen Ärger bringen. Aber im Königreich des Himmels ist Erkenntnis sehr, sehr wichtig. Und der Satan baut darauf, auf dieser Erkenntnislosigkeit, auf dieser Ignoranz, weil er liebt Finsternis. Und diese Finsternis ist aber das, was Kinder Gottes zugrunde bringt, was dich zerstören wird. Et la, dans le monde naturel, ici en Allemagne, surtout, ils disent que la connaissance, quand si tu ne connais pas quelque chose, ça ne va pas te tuer parce que tu ne le savais pas. Mais dans le royaume des cieux, c'est vraiment un grand mensonge parce qu'il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça signifie que le diable, il utilise donc son arme. C'est quand les enfants de Dieu ne connaissent pas, ne savent pas la vérité. Et là, parce que lui, il aime l'obscurité, il est en train de détruire et de travailler à travers cette inconnaissance ou bien cette ignorance des enfants de Dieu. Romains 16, verset 17. Il dit, « Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine, which you have learned and avoid them. Those who run away from. In Römer 16, Vers 17 lesen wir, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernis bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelehrt habt, und meidet sie. Et ici, verset 17, il nous dit que, Romains 16, verset 17, je vous engage instamment, chers frères et sœurs, en prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc, il nous avertit ici de s'éloigner des personnes qui nous donnent des mauvais enseignements. Is somebody getting it? Amen. You know, here it's not telling us to run away from witches and wizards. Hier geht es nicht darum, dass wir vor Hexen und Satanisten und Magiern fliehen sollen. Donc ici, il nous dit pas de se cacher, de s'éloigner des sorcières ou bien des magiciens. Il ne dit pas ça. Amen. It's not telling us to run away from demons. Oder vor Dämonen fliehen sollen. Il nous avertit même pas de se cacher devant ou bien de fuir les démons. You know, when Jesus was here, it was demons that were running away from him. Weil als Jesus hier auf Erden war, haben vor ihm gezittert. Sie sind vor ihm geflohen und nicht umgekehrt. Et quand Jésus-Christ était ici physiquement, ce sont les démons qui avaient peur de lui, qui se sont cachés, qui se sont éloignés de l'éternel de Jésus-Christ et pas Jésus-Christ s'éloigner du diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You should know what man and religion does they run away from today. those that have the call, which is a wizard. You know, I don't know in Africa, anything witch, anything wizard. I don't know if you get it. People run away from them. No, Jesus did not say run away from those people. Amen. Amen. He told us, you know, here he said run away from those. Look at it. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. The dangerous people are those that reject the truth, that hate the truth. Are you getting it? That fight the truth. And not those like Mary Magdalene. You remember this young lady? Amen. Sister Mary Magdalene. That came to, you know, this woman was full of how many demons. But Jesus he did not drive her. Jesus did not separate himself from her. Amen. Praise the Lord. Amen. You can see the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of religion. Ihr seht also den Unterschied zwischen dem Königreich des Himmels und dem Königreich dieser Welt, der von Religion. Weil hier geht es ganz klar darum, die Leute, die die Wahrheit meiden, die Lehre von Christus Jesus sozusagen dagegen steuern. Aber die Menschen, die einfach vom Teufel übermannt worden sind, die Besessenen vom Satan, aber dennoch nach Erlösung rufen, danach bitten, auf diese Leute sollen wir eher sogar zugehen, so wie Jesus es getan hat bei Maria Magdalena, ist auf sie zugegangen. Und sie hat sich von ihm erlösen lassen. Sie hat sich nicht von ihm ferngehalten. Und er auch nicht von ihr. Ici on voit la différence entre la religion et le royaume des cieux. L'Éternel nous a pas dit de, il nous a pas averti contre, oui, contre les démons ou je sais pas qui. Mais il a dit ici, à verset 17, égare les autres en s'apposant à l'enseignement que vous avez reçu. Donc les gens qui refusent la vérité, qui refusent de se soumettre à l'Éternel, c'est sans eux les gens à qui tu dois t'éloigner. Par exemple, on peut voir même avec l'exemple de Marie Magdalene, par exemple, elle avait 7 démons différents en elle, mais Jésus-Christ ne s'est pas éloigné d'elle. Et c'est elle qui a commencé même à suivre l'Éternel, et ses démons se sont éloignés de Jésus-Christ eux-mêmes. Praise the Lord. Alléluia. Remember the Pharisees. Amen. Rappelez-vous des pharisiens. They were running from those they call sinners. Die Pharisäer haben die Menschen gemieden, die sie als Sünder erachtet haben. Donc les pharisiens, ils ont par exemple, ils se sont éloignés des gens que eux, selon eux, étaient des pécheurs. Amen. Amen. And that's why they call Jesus the friend of sinners. Deswegen haben sie auch Jesus als Freund der Sünder genannt, weil Jesus immer mit ihnen unterwegs war sozusagen, immer in ihrer Mitte war. Et c'est pour cela ils ont appelé l'Éternel ami des pécheurs, parce que Jésus était toujours entre ces gens-là, donc en fait les pécheurs. Amen. Jesus did not run away from the so-called sinner. Aber Jesus hat die sogenannten Sünder nicht gemieden. Mais Jésus-Christ, lui, il s'est pas éloigné des pécheurs. Because they were ready for a change. Denn diese Sünder waren bereit für eine Veränderung. Donc il s'est pas éloigné contre les pécheurs selon les pharisiens, parce que c'est soi-disant pécheurs que les pharisiens appelaient pécheurs, eux ils étaient prêts à se repentir. They were ready for a change. Sie waren bereit für eine Veränderung. Ils étaient prêts à changer, se changer eux-mêmes. Let's put something here. Let's go to Matthew 9. Matthieu 9. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9. Praise the Lord. Alléluia. Verse 9 to 13, please. 9 to 13. Matthew 9, 9-13. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named... Am I in Matthew 9? Mm-hmm. Or somebody took my Matthew 9. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Again, and as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of customs, and he said unto him, follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, verse 10, as Jesus sat at me in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Are you getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 11, said, and when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. Praise the Lord. Hallelujah. Those that believe that they need a change. Die glauben, dass sie eine Veränderung brauchen. They need to be healed. Sie müssen geheilt werden. And not those that believe they are already healed. Aber nicht die Leute, die glauben, dass sie schon geheilt sind, obwohl sie krank sind. Donc c'est seulement ceux qui pensent qu'ils ont besoin, qui sont malades, c'est seulement eux qui vont recevoir un changement. Mais ceux qui pensent qu'ils sont déjà justes, ils sont déjà parfaits, eux, ils n'ont pas besoin d'un changement. We don't run away from people. The question is, do they want a change? Wir fliehen nicht vor Menschen. Die Frage ist, möchten diese Menschen eine Veränderung? On ne fuit pas ou bien s'écarte pas des êtres humains. La seule question est que est-ce que ces hommes, ces personnes-là veulent un changement? Amen. In verse 37, and go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Those that believe they need a change. Somebody like Mary Magdalene. Die Leute, die glauben, dass sie eine Veränderung brauchen, so wie Maria Magdalena, sie brauchen einen Retter. Donc seulement les gens qui pensent qu'ils ont besoin d'un sauveur comme Marie Magdalene, qui avait beaucoup de démons, ce sont ces gens-là qui ont besoin, qui sont capables à changer. The Jews never believed they needed a savior. Aber die Juden, sie haben nicht geglaubt, dass sie einen Retter brauchen. Mais les Juifs, eux, ils ont jamais cru qu'ils ont besoin d'un sauveur. Back to Romans 16, please. Romains 16. Romains 16. Amen. Amen. Then in verse 18, it says, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. It's all about them. Amen. And by good works and fair speeches deceive the heart of the simple. They deceive the heart of the simple. They deceive people with their good English, their good Dutch. Die Herzen der Arglosen mit ihren schönen Worten, mit ihrer Wortgewandtheit, mit ihrem großen, ausgebauten Vokabular. Donc, 16. Donc, on peut voir qu'on doit faire attention aux personnes qui sont entrées je le lis, Matthieu 9, 16. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau de. Pardon. En fait, on doit faire attention des gens qui sont en train de vous confondre avec leur français, par exemple, leur intelligence, ou bien même leur manière vraiment, qui peut confondre les gens. Tu peux penser que c'est quelqu'un qui dit des histoires qui sont vraies à cause de la manière à laquelle elle parle, mais c'est pas la vérité, en fait. You can see why I'm qualified. Ihr seht, weshalb ich qualifiziert bin. Tu peux voir pourquoi moi je suis qualifiée. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you are talking about those that we are in this school, that we are well, well educated, you don't need to pick me. Because I know we. Wenn du über Leute sprichst, die gut gebildet sind und tolle, super Noten haben, tolle Abschlüsse, dann brauchst du gar nicht auf mich zu schauen, weil ich zähle nicht zu dieser Gruppe von Menschen. Et si tu parles des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment une bonne éducation, qui sont très intelligents, moi je n'appartiens pas. Amen. À ces gens-là. Or those that have read a lot of books. Oh, die don't need to know. I'm just zero with a big note. Aber da bin ich nicht dabei, da bin ich nicht zu finden. Ich bin einfach eine Null, eine Niete, ein Nichts ohne. Ou bien quand il s'agit de des gens qui sont vraiment très intelligents, qui lisent beaucoup de livres, ou bien qui ont beaucoup étudié. Moi, comparé à ces gens-là, moi je suis nulle, je suis rien. But I know Christ. Aber ich kenne Christus. Et moi je connais le Christ, c'est ce que le Romains 16, 18 nous dit. He helped me to know him. Er hilft mir ihn zu kennen. C'est lui qui m'aide à le connaître. Praise the Lord. You must not say for your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf. But yet I will have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Votre obéissance est connue de toutes et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien. Praise the Lord. Halleluja. When any time you see good, it's Christ. Immer wenn du das Gute liest. In der Bibel geht es immer um Christus, denn nur er ist gut. Et chaque fois que tu lis dans la Bible la parole le bien, c'est il parle de Jésus-Christ parce que le Christ est la seule personne qui est bien. Amen. Il est bien dans ce monde. Denn er ist der einzige Gute. Il est le seul bien dans ce monde. I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Be like, you know, just be a novice concerning the knowledge of this world. Just be a novice. Wir sollen unwissend sein, wenn es um das Böse dieser Welt geht. Et on doit vraiment être innocent ou bien inconscient ou bien donc quelqu'un qui ne sait rien selon le bien de ce monde en fait. Satan love darkness. Et Satan liebt Dunkelheit, Finsternis. Parce que le diable, lui, il aime l'obscurité. He's not afraid of you being born again. Er hat keine Angst davor, dass du wiedergeboren bist. Lui n'a pas peur que tu puisses être né de nouveau. He's not afraid of you singing praises everywhere. Er hat auch keine Angst davor, dass du Lobpreis singst. Il n'a pas peur le fait que tu puisses faire des louanges et la adoration. Aber er will nicht, dass du die Wahrheit kennst. Son seul problème est qu'il ne veut pas que tu puisses connaître la vérité. The truth that is already in your spirit, don't allow it to come to your soul. Die Wahrheit, die in deinem Geist ist, er will nicht, dass sie in deine Seele angelangt. La vérité qui est dans ton esprit, lui, il ne veut pas que ça puisse entrer dans ton âme. Praise the Lord. Alléluia. In Romans 3, verse 25, say, have faith in Christ's blood. In Römer 3, 25 lesen wir, dass wir Glauben haben sollen, das Blut von Jesus Christus. En Romains 3, 25, il nous dit qu'on doit vraiment avoir la foi en Jésus-Christ. Colossians 1, 20, he said, make peace with his, you know, he made peace with his blood. In Kolosser 1, 20 lesen wir, dass er Frieden gebracht hat durch sein Blut. Dans Colossiens, il nous dit qu'il nous a emmené la paix à travers son sang. Amen. Amen. It means without his blood, there is no peace. Das heißt, ohne sein Blut gibt es keinen Frieden zwischen Gott und den Menschen. Das signifie que sans sang, il n'y a pas de paix entre l'être humain et le Dieu et l'Éternel. Remember, the peace he's talking about here is not the peace between man and man. Erinnert euch daran, der Frieden, von dem er spricht, ist nicht der Frieden zwischen Mensch und Mensch. Rappelez-vous la paix à laquelle il parle, c'est pas la paix entre l'être humain et deux êtres humains en fait. It's not I have problem with so so and so person, my auntie, my uncle. I want to make peace with him. Don't ever make peace with Satan. Oder der Frieden, von dem er spricht, ja, ich habe momentan keine Ahnung, Streit mit meiner Tante und meinem Onkel und deswegen suche ich Frieden. Nein, wir sollen keinen Frieden mit dem Teufel suchen. Es geht um den Frieden von Jesus Christus, den wahrhaftigen Frieden. Et quand l'Éternel nous dit qu'on doit avoir la paix entre en lui, il a la paix, ça signifie pas que oh, il nous a emmené la paix, c'est pour cela que je dois faire la paix avec une tante ou bien un oncle que j'avais un problème avec lui. Non, il ne parle pas de ce genre de paix. On va lire Colossiens. Praise the Lord. Alléluia. Colossiens 1, 20. It says, and having made peace through the blood of his cross, by him he reconciled all things unto himself. Can see it is peace between God and man. Es geht um den Frieden zwischen Gott und Mensch. Et on voit ici, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Donc il ne s'agit pas de la paix entre des êtres humains, mais il s'agit de la paix entre lui-même, donc le Dieu et l'être humain. Praise the Lord. Amen. Amen. Don't go and be making peace with Satan. Geh nicht und suche nicht nach Frieden mit dem Satan. Il dit que c'est la terre, c'est la paix sur la terre et au ciel, donc pas la paix entre toi et le diable. You let me have peace, make peace with those that choose Christ. Suche Amen. Nach Frieden bei denen, die sich für Christus Jesus entscheiden. Tu dois toujours avoir la paix avec avec les gens qui se décident à suivre Jésus-Christ. You know, one time we talk about peace. Wenn wir über Frieden sprechen. Chaque fois qu'on parle de la paix. What kind of peace is different from what this world calls peace? Gottes Frieden ist anders als das, was diese Welt als Frieden bezeichnet. La paix de l'Éternel c'est différent de ce que ce monde appelle la paix. In John 14, he said, "My peace I give unto you, not as the world gives." In Johannes 14 sagt er, "Mein Frieden schenke ich euch, nicht so wie die Welt ihn euch schenkt." Il nous le dit à Jean 14, il nous dit que c'est la ma propre manière, c'est la ma paix que je vous donne, pas comme le monde, comme la paix de ce monde. The Lord does not want you to have peace with Satan. Der Herr will nicht, dass du Frieden hast mit dem Satan. Car l'Éternel ne veut pas que tu puisses avoir de la paix avec le diable. In Ephesians 4, he said, "Be angry and sin not." Mm-hmm. He said, "Be angry, don't let the sun go down upon your wrath, because be angry with Satan. Mm-hmm. Be angry, don't make peace with them." In Epheser 4 steht ganz klar, dass wir halt, dass unser Zorn nicht sinken soll. Unser Zorn gegenüber das Böse, unser Zorn gegen den Satan sollte nicht sinken. Et Ephésiens 14 nous dit que on doit se fâcher, on doit avoir toujours la colère, mais pas mais la colère contre le diable. Et cette colère là, ça doit toujours rester. Mais il nous a dit de avoir cette colère contre le diable, mais ne pas pécher. Et ça, on doit comprendre ce que ça veut dire. You know those who want you to have to make peace with. Aber wer sind die Leute, mit denen wir Frieden haben sollen? Das ist die Leute, die zu seinen Kindern gehören. Mais il veut que tu puisses avoir la paix avec lui, avec ses propres enfants, avec les gens qui le choisissent. If you do not have peace with his children, means you don't have peace with him. Weil wer keinen Frieden hat mit den Kindern Gottes, hat keinen Frieden mit Gott selbst. Parce que la personne qui n'a pas la paix avec les enfants de Dieu, ça signifie que tu n'as même pas la paix avec l'Éternel. How do you know you are one with Christ? Wie weißt du, dass du eins bist mit Christus Jesus? Comment tu sais que tu es un avec le Christ? Are you one with God's children? Bist du eins mit true God's children? I'm not talking about religious Kindern Gottes. Ich meine nicht mit religiösen Menschen. Et moi je dis avec tu es un avec l'Éternel quand tu es aussi un avec tes frères et sœurs en Christ, et je ne parle pas des gens religieux. Until you are one with God's children, you are never one with Christ. Erst wenn du eins bist mit Kindern Gottes, bist du auch eins mit Christus Jesus. C'est seulement quand tu es capable à être un avec les enfants de Dieu, c'est comme ça aussi que tu es aussi un. Ça va te prouver que tu es aussi un avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Like he said in 1 John, he said, if you cannot love your brothers and sisters that you see, how can you say you love him? Wie es auch in 1. Johannes steht, wenn du behauptest, Gott zu lieben, aber deine Geschwister, die Kinder Gottes zu hassen, da bist du ein Lügner. Et c'est comme ça qu'il a dit aussi à 1 Jean, il a dit que si tu n'es pas capable à aimer tes frères et sœurs en Christ, hein? Et comment tu veux dire que tu es capable, que tu m'aimes? Ça n'a pas de sens. Alléluia. In 1 John, let's go and see that. In 1 John 4. 1 Johannes 4. 1 Jean 4. Verset 20. Il dit, if a man say, I love God, and hated his brother. If you say, I have peace with Christ, and you don't have peace with God's children. In 1. Johannes 4,20 lesen wir, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un prétend d'aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Are you getting it? You know peace, you know love. If you go to Galatians 5, 22 and 23, can see love is one of the fruits of the Spirit. So also is peace. So also is his joy. So you can see all the fruit of the Spirit. They are the same here. You can even include joy. You can include peace. You can include everything here. If a man say, I love God and hated his brother, he's not talking about the natural brother. That's what they're listening. He's not talking about those brothers that chose that they are not after Christ. They are after themselves. They are after religion. They are after, you know. He's talking about his own kingdom, his own family. He is a liar. For he that loveth not his brother, whom he has seen, How can he love God whom he has not seen? He is not talking about the natural. Jesus told his mother, "You are not my mother." Let's close with Matthew 12. Der Herr spricht hier nicht über die biologische Geschwisternschaft, sondern es geht um die geistliche. Die Leute, die Brüder und Schwester sind durch Jesus Christus, weil sie auch an den Herrn glauben. Wer diese Leute hasst, aber behauptet, Gott zu lieben, ist ein Lügner. Et si l'Éternel parle de ses frères, de ses enfants, il dit que ton frère et sœur en Christ, ça signifie qu'à travers l'unité de son sang, ceux qui croient en lui, parce qu'il a dit, il dit aussi que ceux qui croient en lui, qui sont dirigés par son esprit, c'est ça, c'est sans eux, ses enfants. Donc si tu n'es pas capable à les aimer, tu les détestes. Il dit, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Il ne s'agit pas de son frère et sœur naturel, mais en esprit, en Christ, à travers son sang. You know, here we help you to know that Jesus was not talking about the flesh, about the natural family, about the natural brothers and sisters. Wir sehen auch, wie Jesus hier über seine Familie, über seine Mutter gesprochen hat. Er hat seine Mutter nicht als Mutter angesehen, weil wegen dem Biologischen, sondern er hatte eine Voraussetzung dafür, für die seine Familie sind. Das lesen wir in Matthäus 12. Dans Matthieu 12 aussi, on voit aussi que quand Jésus-Christ a dit que, quand on lui a dit où est ta mère te cherche, il a répondu, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et ça va te faire voir vraiment que pour Jésus-Christ, lui, il valorise seulement l'esprit et pas la chair. Il ne s'agit jamais de la chair, mais toujours de l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 46 to Matthäus 12, 46 bis zum Ende. Matthieu 12, 46 jusqu'à la fin. He said, while he yet talked to the people, behold his mother and his brethren stood without desiring to speak with him. The song with Jesus is to love people. It should be, you know, if Jesus was of the flesh, his family. Wenn Jesus fleischlich gesund wäre, dann wäre seine biologische Familie, die wären das seine Leute, wären das die Leute, für die er alles tun würde sozusagen. Dann wären die Leute, die er wahrhaftige Verwandtschaft nennen würde. Donc c'est vraiment clair parce que si Jésus-Christ était derrière la chair, on allait voir qu'il n'allait même pas valoriser les disciples. Il allait valoriser ses propres frères, les frères de son père naturel. Il allait dire qu'il fait la volonté de Joseph. Il allait valoriser ses cousins, je ne sais pas qui, par tout le monde. On sait aussi qu'il avait une famille. Mais il n'a pas valorisé ces personnes-là parce qu'il est derrière l'esprit. Et c'est pour cela qu'il a toujours valorisé les disciples et les gens qui choisissent d'être... de suivre son père et même de lui suivre lui-même comme Marie Magdalene par exemple. I don't know who you call your mother today. Ich weiß nicht, wen du heute deine Mutter nennst. Et c'est pour cela je ne sais pas qui toi tu appelles ta mère. I will not call Satan my mother. Ich werde den Satan nicht meine Mutter nennen. Mais moi je ne veux pas appeler le diable ma mère. I don't know who you call your father today. Ich weiß nicht, wen du deinen Vater nennst. Je ne sais pas qui tu appelles ton père. Our brothers and sisters today. Oder wen du Geschwister nennst. Ou qui toi tu nommes comme. Our evil friends today. Ton frère. Oder wenn du als Freunde bezeichnest. Je ne sais pas qui sont tes amis. Amen. Amen. You know, until you choose Christ and allow him to be absolute, his blood does not run through your veins. Erst wenn du Christus Jesus wählst und zulässt, dass sein Blut A und O ist für dich. Until you choose him. And reject whatever, even if it was your mother, that is not choosing Christ. You say no, just like Jesus Christ is doing here. This, exactly. His blood, Christ's blood, does not run through your veins. Das Blut von Jesus Christus wird nicht durch deine Adern fließen, fließt nicht durch deine Adern, wenn du nicht dich entschieden hast, vollkommen Jesus Christus zu sehen, vollkommen alles zu verweigern, was nicht Jesus Christus ist, selbst wenn es deine eigene Mutter ist, die sich gegen Jesus Christus stellt. Donc tu dois vraiment savoir que c'est vraiment important que la base c'est que tu puisses être capable à choisir Jésus Christ, seulement Jésus Christ avant toute chose. Donc tu dois vraiment être capable à même rejeter la chair, même si c'est ta mère qui est contre le Christ, tu dois valoriser le Christ et même t'écarter d'elle. C'est quand tu es capable à faire des histoires comme ça, seulement à valoriser le Christ et rien d'autre chose, c'est comme ça que le sang de Jésus-Christ est aussi en train de couler aussi vraiment dans tes veines. You know, that's why Jesus was not a good man. According to the world system. Deswegen war he was not a good gemäß dem Weltsystem, gemäß dem, was die Welt gut erachtet, würde die Menschheit nicht sagen, dass Jesus Christus ein guter Mensch war. Et c'est pour cela aussi, selon le monde, la définition du bien de ce monde, Jésus-Christ n'était pas bien. You can see, yeah, he never honored his mother. Weil er seine Mutter sozusagen hier nicht geehrt hat. Parce que si à Matthieu 12, on voit aussi clairement qu'elle dit, on lui demande, oui, ta mère te cherche, lui te dit, mais qui est ma mère? Donc tu veux voir ici qu'il n'honore pas sa mère. You know, his mother that carried him 9 months. You know, that's what people sing. The mother sing about. Mm-hmm. Amen. I don't want anyone to be my daughter, my son, because I carry him 9 months. Amen. Und das Argument, dass man dich 9 Monate in seinem Leib getragen hat und deswegen, dass einem das Recht geht, gibt, vor Gott zu stehen in deinem Leben, vor Jesus zu stehen in seinem Leben. Ich möchte nicht, dass irgendjemand mich als Mutter erachtet, weil ich ihn 9 Monate in mir getragen habe. Il y a beaucoup de mamans qui disent que ben moi j'étais mis dans le monde, j'avais 9 mois, j'étais mis dans mon ventre, et c'est pour et maintenant tu n'as pas de respect ou bien maintenant tu me dis que Jésus-Christ est devant moi, ça. C'est ça, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle mère seulement parce que moi, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Parce que c'était un mauvais motif, en fait. You know, we write today that the blood of Christ is greater than the blood of Abel. Wir haben heute gelesen, dass das Blut von Christus größer ist als das Blut It's von Abel. It's greater than the blood of Mary. Das größer als das Blut von Maria sogar. On venait de lire que le sang de Abel est plus de Christ est plus grand que le sang de Abel, qui veut dire que le sang de l'être humain est plus grand de Dieu est plus grand que le sang de l'être humain. Ça veut aussi dire que le sang de Dieu est même plus grand que le sang de Marie. That was the conscience of his blood. Lass uns sein Blut bewusst sein und das Blut von Christus Jesus bewusst sein. Et c'est pour cela on doit être conscient du sang de Jésus-Christ. It's better you don't have any child than having a child that is going to hell. Es ist besser kein Kind zu haben als ein Kind zu haben, was in die Hölle geht. C'est mieux de ne pas avoir des enfants que avoir un enfant qui va partir en enfer parce qu'il se décide de partir de faire sa vie sans le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Those that will cry most, if even you make heaven, will be you that have children. And those children are going to hell. Weil wie bitter ist es, dass wenn du selbst zwar in den Himmel gehst, weil du dich für Jesus entschieden hast, aber deine Kinder, zu sehen, wie deine Kinder in die Hölle gehen, weil sie sich gegen Jesus Christus entscheiden. Parce que c'est vraiment douloureux, et vraiment, ça te fait vraiment, c'est vraiment douloureux. Quand toi tu es capable à partir au royaume des cieux avec Jésus-Christ au royaume des cieux et que tu vois vraiment tes enfants sont en train de partir en enfer parce qu'ils sont en train de détester Jésus-Christ. Especially here in Europe, they destroy children. Besonders hier in Europa werden Kinder zerstört. Surtout ici en Europe, les enfants sont vraiment détruits. And that's why the Lord should be in charge of the children. Deswegen muss der Herr in Kontrolle der Herr muss die Kinder erziehen. Jesus Christus muss unsere Kinder erziehen und nicht der Staat, nicht die Regierung, nicht irgendein Mensch mit seiner Weisheit. Et c'est pour cela que Jésus Christ qui doit être au contrôle, qui doit aussi éduquer nos enfants et pas l'être humain ou bien même l'État. You know, as children grow up, we have the right to say I'm a man or I'm a woman. Mm. If you is a man. Während Kinder aufwachsen, haben sie zu haben das Recht zu sagen, dass sie Mann oder Frau sind oder dass sie sogar ein Tier sind oder ein Gegenstand sind. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nichts gegen ihre Identität sozusagen, die sie sich aneignen oder annehmen, tun. Du kannst nur zuschauen. Tu peux voir que ici même en Europe, tu peux avoir des enfants et du coup, quand l'enfant est majeur, peut te dire que ben moi je suis plus un garçon, je suis maintenant une fille, des histoires comme ça, et toi tu ne peux rien faire, tu es là, tu es en train de regarder, et c'est sa décision en fait. How wonderful it is to train a child from, you know, even from the womb. Schön ist es, wenn man Kinder vom Schoß aus an schon mit Christus, mit der Wahrheit, mit dem Leben erziehen kann, darf. Et tu vas voir du coup que c'est vraiment très merveilleux d'avoir cette grâce, cette possibilité de d'élever un enfant dès même de la matrice. Amen. After that from the womb, that child already had Christ's blood in his veins. Das vom Schoß aus an hat dieses Kind schon das Blut von Jesus Christus in seinen Adern. Et de savoir que dès le ventre, dès la matrice, cet enfant a déjà le sang de Jésus-Christ en lui. You can see the difference between Isaac and Ishmael. Isaac was a promised child. Amen. The blood already run through his veins. You can see that child, how he followed God. Are you getting it? Even when the father was taking him to go and sacrifice, remember, you know, to their children, they will fight their, they will sacrifice their father. Und ihr seht auch bei Abraham, ne, Isaac und Ismael sozusagen, ne? Abraham wollte Isaac opfern, weil der Herr ihm gesagt hat, dass er mit ihm auf einen Berg gehen soll und Isaac sozusagen dem Herrn übergeben soll. Und Isaac war ganz ruhig dabei, er hat nicht diskutiert, er hat nicht gestritten, aber heutzutage, keine Ahnung, der Sohn würde sich umdrehen, den Vater in den Schwitzkasten bringen und dann selber den Vater opfern. Ne, und, ne, also. He wants to keep it. You know, he tied the child on the wood. And Abraham, you know, Isaac. Isaac was so cool. Yeah. Isaac as quick as he was. So ruhig und so gelassen, weil den Herrn vertraut hat. He was 17 years old. Er war 17 Jahre alt, als das passiert ist, als Abraham ihn opfern wollte, ne? Weil er schon von Kind auf an das Blut des Herrn in sich hatte, von Kind auf an schon diese Erziehung des Herrn hatte, dem Herrn zu vertrauen, egal in welcher Situation. Et puis tu vas voir par exemple quand Isaac par exemple c'était un fils promis, il a déjà été il appartenait à l'Éternel déjà dès le ventre, et quand Abraham voulait le sacrifier, il avait déjà 17 ans, mais il s'est vraiment humilié, il a laissé son père faire, il savait comment c'est dangereux, c'est que son père, il voyait vraiment avec ses yeux ce que son père voulait faire, mais il s'est seulement laissé, donc il était vraiment humble. Mais aujourd'hui, si l'enfant n'appartient pas au Christ, il va commencer, c'est cet enfant-là même qui va commencer à dire, toi tu veux me tuer, on va voir qui va tuer qui. Il va commencer même à prendre le père et il va attacher son père à sa place, par exemple. Et tu vois vraiment que lui, vu qu'il est venu de l'Éternel, il a déjà été entraîné dans la manière, dans la crainte de l'Éternel, il était vraiment, il avait confiance, il s'est humilié, par exemple. Praise the Lord. Hallelujah. You can see here Jesus was not a good man according to the system. He did not respect his mother. Kein Gutmensch war nach dem gemäßen System dieser Welt. Er hat seine Mutter sozusagen nicht respektiert oder geehrt in dieser Situation. Matthäus 12 Vers 46. Et Matthieu 12 verset 46, tu vas voir vraiment que Jésus, il n'était pas vraiment, il ne respectait pas l'être humain. Il a parlé, il disait toujours tout. Selon l'esprit et pas selon la chair. Remember the Ten Commandments and all of that commandments. Honor your father and your mother. Erinnert euch an die Zehn Gebote. Qualified. Jesus Jesus hat das hier nicht umgesetzt sozusagen. Er hat seine Mutter nicht geehrt. Donc la Bible nous dit toujours, faut honorer ta mère et ton père. Tu vois ici que Jésus-Christ n'a pas honoré sa mère et son père. Et il a fait c'est que la volonté de son père divine. Praise the Lord. Hallelujah. While he yet talked to the people, verse 46, he heard his mother and brethren stood without, desiring to speak with him. Are we there, please? Vers 46. Amen. Während er aber noch zu dem Volk hörte, sie, da stand seine Mutter und seine Brüder draußen, wollten mit ihm reden. Please, I want you to always look verset at the Bible 46. Pendant que Jésus parlait important. Encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. À quoi qu'un réponse 46. Während er aber noch zu dem Volk redete, sehe, da stand seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm sprechen. 47, Jennifer, please. 47. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Amen. Ralph, 48. Please. 48. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Susie, please. 49. Mm-hmm. And verse 50. Matthew 12, verse 50. 50. Yeah. For whosoever does does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you got something here? Mm-hmm. You know, I love Jesus. Mm-hmm. I just love his system. I don't know about him. Some people don't love it. Moi j'aime Jésus, j'aime son système en fait. His system, his ways are so wonderful. Seine Wege sind so wundervoll. In fact, parents should just love it. Und Eltern sollten diese Wege lieben. Sa manière est vraiment formidable. Les parents doivent apprendre à aimer la manière du Christ. Satan is always looking for parents to kill. Der Satan sucht immer nach Eltern, die er töten kann. Le diable est toujours en train de chercher des parents qui tuer. Amen. He's always looking for the head to kill. Der Familie sozusagen töten, damit die Familie zerstreut ist. Lui, il veut toujours tuer la tête, parce qu'il sait que s'il tue la tête, le corps va s'écarter en fait. Et c'est comme ça qu'il veut toujours tuer ou bien les parents, le père ou la mère pour oui. You know, yeah, Jesus is saying, you know. We don't have a natural parents, but him as our parents. Jesus sagt hier, wir haben keine natürlichen Eltern, wir haben einfach nur ihn als Eltern. Jésus Christ dit que on n'a pas des pères naturels, des parents naturels, on a seulement lui comme notre père naturel. Jesus is saying, I am not Mary's mother, but Christ himself. Jesus and that's why he said, Satan want to kill the head, he go to Jesus. And Jesus defeated him, hands down. Amen. You can see the victory. Parents should actually love. Yeah. Jesus sagt ja ganz klar, dass ich nicht die Mutter meiner Tochter bin sozusagen, sondern dass er die Mutter meiner Tochter ist. Und deswegen, wenn der Satan den Kopf angreift, dann muss er zu Jesus kommen, muss er bei Jesus anklopfen, weil er der Kopf der Familie ist. Donc je vois que Jésus-Christ ne dit pas que moi je suis la fille, la mère de ma fille. Il veut toujours me dire que c'est lui qui est le père de ma fille. Parce que si le diable vient et veut par exemple détruire ma fille, il doit d'abord passer à travers l'Éternel lui-même. Parce que s'il passe à travers moi il peut aussi m'attaquer ou bien aussi attaquer ma fille. Mais à travers Jésus-Christ, personne n'est capable de lui attaquer. Look at from verse 17 to 47. I want